Bonjour et merci d'être fidèle à l'histoire en vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au règne de Gontran, ainsi que de Childebert et de Clotaire. Gontran, à la mort de Chilpéric, avait récupéré la Neustrie pour le compte de son fils adoptif Clotaire, qui était le dernier rejeton de Frédégonde et de Chilpéric. Mais sa façon de gouverner était très modérée, ne voulant être ni anti-neustrien ni anti-austrasien. Il voulait être du juste milieu. Cette façon modérée, pacifiste, faisant confiance au principe de subsidiarité, était perçue comme un signe de faiblesse par Brunehilde, qui avait envoyé deux de ses hommes pour récupérer les villes de Limoges, de Troyes et de Poitiers. De Tours et de Poitiers. Évidemment, cette récupération territoriale s'était faite sans trop de difficultés, parce que sur place, les Austrasiens avaient des alliés de poids, notamment à travers l'évêque Grégoire de Tours et le poète Venance Fortuna, qui était aussi le poète attitré de la reine Radegonde, cloîtrée dans son monastère Sainte-Croix à Poitiers. Gontran ne réagit pas et préfère en réalité que les Austrasiens récupèrent ces villes, plutôt que de déclarer une guerre territoriale, pour des raisons territoriales. Mais Frédégonde ne l'entend pas de cette oreille. Et elle est de plus en plus furieuse de voir que son territoire de Neustrie fond comme neige au soleil. Comment réagit Gontran? Eh bien, la première chose, c'est qu'il veut se protéger de Frédégonde, qu'il envoie à Rouen. En résidence surveillée, contrôlée par l'évêque Prétextat, que Gontran avait remis sur le siège épiscopal après que Frédégonde l'eût destitué. Donc pour Frédégonde, c'est une véritable disgrâce. D'autre part, Gontran essaye de faire reconnaître la légitimité de Clotaire, sur laquelle règne toujours un certain doute. Et donc il convoque une assemblée de grands du royaume à Paris, ville neutre, pour faire baptiser Clotaire devant tout le monde, pour que ainsi, par leur simple présence, ces grands du royaume acquiescent à la légitimité de Clotaire. Mais il y a des incidents à Paris, le baptême est finalement annulé, ce qui fait que Gontran est forcé ensuite de convoquer un concile, alors une assemblée d'évêques plutôt, à Tours, mais les Austrasiens disent qu'ils ne font seront jamais présents. Conséquence, Gontran convoque alors une assemblée d'évêques, un concile, à Mâcon, en octobre 587, afin justement de reconnaître la légitimité de Clotaire en tant que fils de Chilpéric, et donc en droit de porter le nom de Clotaire, qui est celui d'un des plus grands rois mérovingiens. Il est finalement donc reconnu, Clotaire est reconnu légitime, mais par une assemblée constituée principalement d'évêques neustriens et d'évêques bourguignons. C'est un demi-succès. Malheureusement, Frédégonde ne supporte pas sa prison, son confinement à Rouen, et finit par assassiner son geôlier, c'est-à-dire l'évêque Prétextat, pendant un office. L'homme meurt progressivement lardé de coups de couteau. Mais comme l'agonie est longue et difficile, eh bien, Frédégonde se court à son chevet et lui propose l'aide de ses médecins. Évidemment, il reconnaît en elle celle qui a commandé le meurtre, et l'évêque Prétextat, bien que très affaibli, finit par la couvrir d'injures et la maudire, pour qu'elle connaisse finalement la pire des fins possibles, de façon d'ailleurs pas tout à fait chrétienne. Elle se retourne contre, évidemment, les hommes de Gontran, et réfléchit, hésite, elle se demande si elle ne va pas reconstituer une armée. Elle a en effet un trésor personnel assez important, et elle peut tout à fait constituer une armée pour combattre Gontran. Mais elle sait que sur le terrain, le champ de bataille, Gontran est bien plus expérimenté qu'elle. Alors elle utilise encore sa vieille méthode qu'elle connaît, qu'elle aime. Elle lui envoie deux ambassadeurs qui se révèlent être en réalité des assassins. Gontran s'en rend compte et décide de rompre tous les liens avec Frédégonde. Il se rapproche à ce moment-là de Childebert et de sa mère Brunehaut, avec qui il signe le fameux pacte d'Andlau. Et par ce pacte d'Andlau, Childebert devient le fils adoptif de Gontran, ce qui fait qu'il est aussi héritier de la Bourgogne, alors qu'il est déjà roi d'Austrasie. Conséquence, en 592, quand Gontran meurt, Childebert devient donc roi d'Austrasie et de Bourgogne, les deux ne formant plus qu'un seul royaume. Mais Frédégonde n'a pas dit son dernier mot. En 596, Childebert meurt de façon mystérieuse, empoisonné avec sa femme, et ce qui crée un énorme désarroi dans le royaume d'Austrasie et de Bourgogne. Alors, Brunehilde a beau reprendre en main tout de suite la situation, faire exécuter le testament de son fils Childebert, qui donne d'ailleurs l'Austrasie à son fils Tibère, sous le nom de Tibère II, et la Bourgogne à son fils Thierry, sous le nom, qui devient roi sous le nom de Thierry Ier. Mais malheureusement, les Austrasiens ne peuvent pas s'empêcher de voir un signe de très mauvais augure. En plus, il ne faut pas oublier que le parti pro-neustrien à la cour d'Austrasie reste très important, très important, et avec, et a comme chef de file le fameux évêque de Reims, Égide, qui est inusable et toujours pas mort. Et évidemment, Clotaire s'arrange pour favoriser l'hostilité des grands du royaume d'Austrasie contre Brunehilde, car beaucoup de ses seigneurs ne supportent pas l'idée qu'une femme les domine. Voilà. Et du côté, alors, du côté par contre de Clotaire, Clotaire, lui, pense avoir le vent en poupe et décide de reconquérir son royaume de Neustrie. Il déclare donc la guerre à ses deux cousins, Thierry et Tibère, en 600. Mais les choses ne se passent pas exactement comme il l'avait souhaité. La prochaine, donc, vous connaîtrez donc la suite dans le prochain épisode. Merci d'avoir été fidèle à l'Histoire en vidéo et à bientôt.